Nous mettons ici deux fatwas importantes de Cheikh Saleh ibn Fawzan, Fawzan Hafidhullah, qui enseignent que les œuvres ne s'équivalent pas toutes. Donc, il faut détailler et expliciter les questions lorsqu'on parle de Al-A'mal ou de Al-Amal. Il faut reposer les questions ainsi. Est-ce que le fait de délaisser telle œuvre est un acte de mécréance majeure ou bien est-ce un péché? Il y a là de quoi faire taire les haddadis qui aiment à confondre les gens par des ambiguïtés et ne supportent pas à détailler les questions ainsi. Écoutons maintenant la première fatwa du Cheikh Hafidhullah, puis sa traduction. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، ولكن تارك العمل لا يكفر بل هو تحت المشيئة. تارة يكفر مثل تارك الصلاة يا أخي يكفر، هذا بالأحاديث الصحيحة، لمن ترك الصلاة فقد كفر. نعم، ما هو كل الأعمال، بعضها كفر وبعضها معصية. نعم. La première fatwa. Ô votre éminence Cheikh, qu'Allah vous accorde le succès, celui qui avance que la foi est une parole, une œuvre et une croyance, et que la foi augmente et diminue, mais il affirme cependant que celui qui délaisse l'œuvre n'aurait pas contracté la mécréance majeure, et qu'il est plutôt sous la volonté d'Allah. La réponse du Cheikh Hafidhullah. Parfois, il contracte la mécréance majeure, al-kufr al-akbar, comme celui qui délaisse paresseusement la salat. Oh mon frère, celui-là atteint la mécréance majeure. Ceci en vertu des preuves que sont les hadiths authentiques comme celui-ci. Celui qui délaisse la salat a contracté la mécréance. من ترك الصلاة فقد كفر. C'est ainsi, il ne s'agit pas de toutes les œuvres. Certaines mènent vers la mécréance et d'autres vers le péché. Fin de la première fatwa. Écoutons maintenant le Cheikh dans une autre fatwa, puis sa traduction aussi. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول من أنكر أن العمل يكون داخلا في مسمى الإيمان، نحن لا نكفر تارك الصلاة. يقول من أنكر أن العمل داخل في مسمى الإيمان، يقولون نحن لا نكفر تارك الصلاة، فلذا لم نكفر تارك العمل بالكلية، فهل قولهم صحيح؟ هذا جهل وتخليط، هذا جهل وتخليط. العمل من الإيمان، ولكن منه ما يزول الإيمان بزواله ومنه ما ينقص الإيمان بزواله. بعض العمل على درجة واحدة، هناك عمل إذا زال زال الإيمان كله، مثل الصلاة، تارك الصلاة كافر كما صحت به الأحاديث، ولا علينا من المغالطة، كافر كما صحت به الأحاديث، والقرآن أيضا جاء بكفر تارك الصلاة، فهذا يزول العمل بزواله. ومن العمل ما ينقص الإيمان بزواله ولا يزول تماما، وهذا قول أهل السنة، ينقص بالمعاصي، ينقص، ما قالوا يكفر، قالوا ينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا قلنا إن الإيمان، إن العمل من الإيمان، ليس معناه إنه إذا ترك العمل يكفر مطلقا، بل قد يكفر إذا دل دليل على كفره كتارك الصلاة، وقد ينقص إيمانه ولا يكفر. نعم. La deuxième fatwa. La question. Qu'Allah vous comble de bien, ô votre éminence. Et ceci est un questionneur qui demande que celui qui renie que l'œuvre fasse partie de la composante de la foi, de l'Iman, s'exprime ainsi. Il dit, nous ne rendons pas mécréant celui qui délaisse la prière, voilà pourquoi nous ne déclarons pas mécréant celui qui délaisse totalement les œuvres, les actes. Fin de leur parole, Cheikh. La question maintenant, est-ce que leur raisonnement est juste? La réponse du Cheikh. Il y a là de l'ignorance et de l'amalgame. Ceci est de l'ignorance et de l'amalgame. L'œuvre fait partie de la foi de l'Iman. Cependant, il en est ce qui fait que la foi s'annule si l'œuvre est nulle. Et il en est ce qui diminue la foi si l'œuvre est nulle. L'œuvre n'est pas une seule chose. Il y a là une œuvre qui, si elle vient à disparaître, alors la foi suit et disparaît. Et c'est l'exemple de la salat. Celui qui délaisse la salat est un mécréant, comme le prouvent les hadiths authentiques. Et nous n'avons que faire de la confusion. Il est mécréant, comme des hadiths authentiques le montrent. Et Al-Qur'an aussi atteste de la mécréance de celui qui délaisse la salat. Alors, la disparition de ce genre d'œuvre fait que la foi entière disparaît également. Et il est des œuvres qui, si elles disparaissent, la foi diminue et ne s'annule pas complètement. Et ceci est la parole même de Ahl Sunnah qui disent que la foi diminue par les péchés. Ils avaient dit qu'elle diminue. قَالُوا ينقص. Ils n'avaient pas jugé que la personne serait mécréante. لَمْ يَقُولُوا يَكْفُرُ.